le soleil brille, les oiseaux pètent, le chat vieillit. Et dans cette petite ville, il y avait un con, une pute et un bandit. Ils avaient du whisky dans les bottines, du whisky dans les bottines, du whisky dans les bottines. Le con était petit, mais la pute aimait danser. Le bandit était petit, mais la pute aimait danser. Ils avaient du whisky, dans les bottines. Whisky. Ah ah, whisky. Du whisky dans les bottines. Un soir au bord d'un lac, ils trouvèrent un beau spectacle. Un lapin tout patatrac qui sirotait sa pipe à crack. Que faites-vous dans le quartier avec un fou? Eh bien, nous ne faisons que marcher, que marcher. Et ils se mirent à chanter. Nous avons du whisky dans les bottines, du whisky dans les bottines, du whisky dans les bottines, du whisky dans les bottines. Du whisky dans les bottines. Du whisky dans les bottines. Du whisky dans les bottines. Oui, du whisky dans les bottines. Du whisky dans les soleil brille, les oiseaux pètent, le chat vieillit. Et dans cette petite ville, il y avait un con, une pute et un bandit. Ils avaient du whisky dans les bottines, oui, dans les bottines, oui. Du whisky dans les bottines, du whisky dans les bottines, oui. Du whisky, du whisky. Whisky. Ou martini. Dans les bottines. L'important, c'est d'être cuit. Du whisky dans les bottines, du whisky dans les bottines, du whisky dans les bottines, du whisky dans les bottines. Whisky.